Merci d'être fidèle à la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Bonne écoute. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le cinéma, c'est comme le sexe. Quand c'est bien, c'est génial. Et quand c'est pas bien, ben c'est pas mal quand même. Cette semaine, Hollywood. Le passage à Hollywood fait partie de ce dépassement du théâtre pour avoir notamment des décors naturels. Au théâtre, vous avez une toile peinte. Des débuts à la suite. Le cinéma hollywoodien est devenu très fort et une des raisons de la domination du cinéma américain dans le monde, c'est la force de son réseau de distribution. Quelques personnages oubliés. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs étaient ceux qui ont écrit l'histoire du cinéma dans les années 40. Heureusement, les choses ont changé. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Bonjour messieurs, dames, je suis Marc Vernet, professeur émérite d'études cinématographiques à l'université de Paul Valéry à Montpellier, et l'auteur de « Ainsi naquit Hollywood » qui est paru chez Armand Collin il y a quelques mois. Comment venez-vous, Marc Vernet, à étudier, puis enseigner cette matière-là? Oh, alors c'est une question difficile. Ça commence par la cinéphilie, j'imagine. Alors ça commence par la cinéphilie, ça commence par une montée à Paris pour entrer à un Normal Sup Cachan et fréquenter la cinémathèque et m'apercevoir que j'ai pas envie de passer la grecque de lettres modernes pour enseigner dans un collège. Et comme on vient de créer les thèses de troisième cycle, je décide de bifurquer vers une thèse de troisième cycle à l'École des hautes études, où je suis admis par Barthes, d'abord, et puis Metz, ensuite. Je précise juste Roland. Roland Barthes, bien sûr, et Christian Metz. Et donc, j'ai fait des études de sémiologie du cinéma sous la houlette de Christian Metz à l'École des hautes études. J'ai commencé à enseigner en secondaire, en étant capétien de lettres modernes, et puis ensuite, je suis passé à l'université, grâce à quelques amis. Dans une époque où il y avait les postes et où la théorie était triomphante. Précisément, êtes-vous surpris par la matière que vous recevez? Parce qu'après tout, vous bifurquez comme ça, mais c'était d'abord par l'intérêt pour le cinéma, oui, pour la cinéphilie. Oui. Et de là à envisager que l'on puisse apporter et porter tout un appareil théorique et critique, ça a peut-être été l'occasion de maintes surprises. Pas vraiment, parce que on était, vous savez, dans la vague structuraliste. Christian Metz, c'était quelqu'un qui avait une renommée absolument internationale, et donc on a été porté par cette vague, et de façon même un peu agressive, c'est-à-dire que on est arrivé en disant aux autres, poussez-vous, nous arrivons avec la théorie française, etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors ce que vous allez voir. Donc on était cinéphiles et un peu chiens. Si l'on devait dégager, parce que vous pouvez largement imaginer que ceux qui nous écoutent n'ont aucune idée du contenu de ce qui est enseigné alors, à l'époque. Déjà parce que c'est, on pourrait presque parler d'un continent qui s'est, disons, éclipsé, qui est un peu disparu, que seuls les témoins ont pu connaître. Qu'est-ce que vous en diriez? Bah, d'abord qu'effectivement on était encore dans la cinéphilie, c'est-à-dire dans le grand amour pour le cinéma comme art et comme art populaire, c'est-à-dire qui touche une grande partie de la population, qui n'est pas élitiste comme la musique, comme le théâtre, comme l'opéra, etc. Donc il y avait cette dimension de gauche, en quelque sorte communiste. Hein. Christian Metz était au départ un compagnon de route des communistes. Et Roland Barthes avait aussi cette volonté comme ça un peu révolutionnaire de claquer le bec à la bourgeoisie, à la Sorbonne et pour autre chose. Donc il y avait aussi, c'était aussi porté par une sorte d'idéal politique qui était la démocratisation du savoir sur le cinéma et d'émancipation des masses, hein, pardon de ces termes un peu 68ards, mais là, c'était pleinement l'époque, cette idée qu'il fallait pas que le cinéma soit une œuvre de propagande ou un outil de propagande et qu'il fallait que les masses soient libérées de son influence. Donc il y avait cette double volonté d'instaurer un nouvel appareil théorique, qui était la sémiologie, et de faire œuvre de gauche en apportant du savoir aux gens qui n'en avaient pas. Alors aujourd'hui, on pourrait beaucoup relativiser cette chose-là, mais c'était comme ça que ça se vivait à l'époque, me semble-t-il. En tout cas, il ne faut pas non plus mettre de côté l'idée qu'on est, après tout, seulement une quinzaine, vingtaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, oui, que la, tout à fait, la dimension du traumatisme culturel est... Est probablement l'une des causes centrales. Plus la guerre froide, plus un environnement, j'entends, politiques, politico-culturelles? Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Après-guerre, il y a aussi la lutte d'influence entre le parti gaulliste, les communistes et les cathos, et que le cinéma est un enjeu. Par exemple, les salles familiales de l'Église catholique, les films projetés dans les cellules communistes sont une vraie bagarre pour un contact avec le public et pour un contrôle de ce public également. On pourrait parler de la guerre des cinémathèques. Alors, pas des cinémathèques, non, la guerre des ciné-clubs. Ciné-clubs, pardon. Ciné-clubs. La guerre des filières de ciné-clubs entre les socialistes, les communistes et puis les catholiques qui cherchent beaucoup à contrôler leur public, à le maintenir dans leur orbe. Et les ciné-clubs, bon, c'était formidable. J'ai un ami qui s'appelle Éric de Kuyper, qui est belge d'origine et qui un jour, dans un colloque sur les ciné-clubs, avait eu cette remarque absolument délicieuse, parce qu'on parlait des ciné-clubs, l'ouverture à la culture. Et lui, il avait pris la parole en disant, écoutez, moi, j'ai beaucoup fait ma culture dans les ciné-clubs, mais qu'est-ce qu'on devait s'envoyer comme discours religieux ou politique avant de pouvoir voir un film? Avant le Fritz Lang, il fallait aussi parler de ceci, de cela, de Renoir, que sais-je encore. Et c'était aussi des... Bah, le terme est peut-être un peu trop fort, mais c'était quand même des cellules d'encadrement et d'embrigadement. Alors, on en vient à votre dernier opus. Je rappelle le titre. Ainsi naquit Hollywood. Le sous-titre est « Avant l'âge d'or, les ambitions de la Triangle et des premiers studios ». Alors on va aborder la Triangle un petit peu plus tard, celle-ci est absolument passionnante, elle est au cœur de cet ouvrage. Mais premier élément de surprise, grâce à vous, Marc Vernet, c'est qu'on apprend que, malgré le titre, ainsi naquit Hollywood, cinéma aux États-Unis, ce n'est pas du tout à Hollywood qu'il naît, il n'est pas à l'ouest. C'est à l'Est qu'il y a du nouveau. Tout à fait. Les premières implantations sont new-yorkaises. Et puis de l'autre côté de l'Hudson, dans le New Jersey, à Fort Lee. Pourquoi là plutôt que là? Alors, pour des raisons évidentes, c'est que c'est là où il y a le maximum de public. C'est là où il y a le maximum de banques, c'est là où il y a le maximum d'éditeurs, c'est là où il y a le maximum de théâtre, c'est là où il y a le maximum de compétences. Donc assez logiquement, on va puiser dans le théâtre, on va puiser dans les banques, on va puiser chez les éditeurs de livres et de musique, puisqu'on fait aussi de l'édition musicale et de la création musicale pour accompagner les films. Donc il y a tout un environnement culturel, économique et industriel. La chimie, elle est là aussi, elle est pas dans le Nevada. Tout le croissant nord est des États-Unis est le plus peuplé des États-Unis entre Chicago, Philadelphie, New York, Washington, en gros. Le reste, c'est largement désertique. Hein, et il faut 3 jours en train pour traverser les États-Unis, pour aller de New York à Los Angeles. Il faut 3 jours en passant par Chicago. Et qu'a-t-on comme trace de cette période quasiment préhistorique? Alors, on a pas mal de traces, on en a de plus en plus, je dirais, grâce à la recherche et grâce au numérique. D'abord, on a toujours su, on l'a oublié, mais on a toujours su que le cinéma américain était né sur la côte Est et est très durablement resté sur la côte Est. Kozarski montre très bien dans ses ouvrages que, même dans les années 60, les studios de l'Est continuent à fonctionner pour la télévision, par exemple. Et que c'est nous qui avons saisi le terme Hollywood pour désigner l'ensemble du cinéma américain, mais le cinéma américain, il est à Chicago, il est à New York, il est même en Floride en hiver, parce qu'on peut pas tourner à New York en hiver. Donc il y a une espèce de focalisation sur Hollywood qui est très tardive en fait, en réalité, c'est ce que je montre aussi un peu dans le livre, c'est qu'au fond, Hollywood stricto sensu, c'est pas avant le parlant, c'est-à-dire c'est pas avant les années 30. Avant, c'est tout autour de Los Angeles, parce que il y a des terrains vierges et qu'il y a une politique de Los Angeles pour développer l'implantation industrielle du cinéma, et tout le monde y gagne, parce que les terrains sont très peu chers. Et on enlève des taxes, enfin c'est très classique comme politique municipale. On va pas à San Francisco parce qu'il y a des tremblements de terre et des incendies, donc on préfère la tranquillité, mais c'est un choix. Et ce qui est à Hollywood au départ, c'est pas les studios, c'est les lieux de tournage, parce que le reste administratif, publicitaire, financier, décisionnel, reste à New York. Les sièges sociaux sont à New York, les laboratoires sont à New York, les studios restent à New York. Les gens qui travaillent dans les années 10 à Hollywood sont des délégués. Ce sont des gens qui sont envoyés par des financiers new-yorkais pour surveiller la fabrication des films, lesquels sont montés, colorisés et finalisés à New York. C'est-à-dire qu'on tourne à Los Angeles, mais le film est fini de monter et diffusé à partir de New York. Histoire vivante, cette semaine, Hollywood. Ce qui est tout à fait surprenant en vous lisant, Marc Vernès, c'est de constater à quel point, dans ce qui n'est encore jamais qu'une industrie extrêmement embryonnaire, des industriels, ou plus exactement des financiers, vont précisément suivre les industriels en y croyant, en choisissant d'investir. Alors que, si on prend un exemple comme celui des Nicole Odéon, auquel vous aurez bien la gentillesse de définir ce que c'est pour les gens qui l'auraient oublié en cours de route, ou n'en avaient jamais entendu parler, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de petits échantillons de propositions. De là à imaginer que ça va devenir une énorme industrie, il y a quand même un pas. Oui et non. Je sens que vous opinez du bonnet. Je dodeline de la tête. Parce que, oui et non, vous avez raison, mais en même temps, à partir de 1907, on voit bien l'émergence des Nickelodeons. C'est-à-dire, on voit bien l'émergence de ce qui seront les salles de cinéma. Pourquoi? Parce que, entre 1895 et 1915, à peu près, le spectacle cinématographique est un spectacle hybride. On va dans des salles de théâtre et on projette des films. On va au restaurant et on regarde un film, et on va au cinéma et on voit des bouts de pièces de théâtre. C'est-à-dire que la spécialisation cinéma, elle se fait à partir de 1907, et ce qu'on peut mesurer à partir de 1907, c'est l'énorme engouement du public pour le spectacle cinématographique. Ce qui fait que petit à petit, on se spécialise. Petit à petit, on réorganise les salles pour que ça ne soit que du cinéma. On enlève le proscénium, on enlève les rideaux, etc., puisqu'on n'en a plus besoin, et on ne projette plus que des films. Mais c'est une évolution relativement lente, mais certaine, entre 1907 et 1917, si on veut prendre une... Vous appelez ça lente? C'est quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide, mais à l'échelle de l'histoire du cinéma, c'est encore relativement lent. Est-ce que ça laisse supposer que, pour arriver à capter comme ça, déjà, en permanence, le public, du côté de ce qui est produit, de ce qui est proposé, passer le premier effet, je vais le caricaturer en disant un train qui arrive dans une gare, les inventeurs vont multiplier les surprises. Pardon de cette réponse de Normand. Oui et non, puisque d'abord, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'au départ, une grande partie du cinéma, ce n'est que du théâtre filmé. Oui, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, la caméra est fixe, on a une scène et on a une action qui se déroule dans un cadre fixe. Et c'est que petit à petit que le cinéma se dégage de cela. Mais la Black Maria d'Edison, c'est un studio entièrement fermé, en haut d'un immeuble, et où on tourne à la lumière artificielle, dans un cadre absolument fixe. Donc c'est le seul fait qu'il y ait projection d'une image en mouvement qui suffit en lui-même à capturer l'attention. Il y a aussi, nous ne l'oublions pas, le fait qu'à l'époque, le cinéma est muet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de langage. Et que donc, c'est un art qui s'adresse à toutes les catégories sociales et à toutes les ethnies, si on peut parler comme ça, de la population américaine, qui est encore extrêmement hétérogène. La raison pour laquelle Woodrow Wilson n'entre pas en guerre en 1914, c'est qu'il n'est pas sûr de son opinion publique. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas sûr de son opinion publique? Parce qu'il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup d'Irlandais, il y a beaucoup d'Allemands. Les Irlandais n'ont pas du tout envie d'aller se battre pour les Anglais, ils sont plutôt pro-Allemands, et les Allemands n'ont pas du tout envie qu'on attaque leur patrie d'origine. Donc, cette hétérogénéité du public fait que le cinéma peut tous les toucher, au contraire du théâtre, par exemple, au contraire de la musique, qui est sans doute un peu trop élitiste encore à l'époque, pour toucher tout le monde. Et si le cinéma connaît en 14-18 une telle expansion, à mon sens, c'est aussi parce que Woodrow Wilson a parfaitement compris que c'est le seul médium national, le seul média national qui est capable de toucher tout le monde presque instantanément sur la totalité du territoire. Il n'y a pas la radio, il n'y a pas le téléphone, de façon encore très très embryonnaire. La presse est toujours locale, il n'y a pas de presse nationale. C'est-à-dire que si vous voulez faire passer une information, c'est pas la peine de la faire passer par le journal. Le journal ne dépassera pas la ville dans laquelle il est édité. Alors que le cinéma, lui, est diffusé à travers ce qu'on appelle des exchanges, c'est-à-dire des agences de location de films sur la totalité du territoire. Alors, il faut bien s'entendre, effectivement, parce qu'on prononce un nom qui reste évidemment dans les cerveaux aujourd'hui quand on dit cinéma, sauf que on n'a pas encore affaire au long métrage, tout au moins pas tout de suite, et on va revenir d'un mot d'ailleurs sur ces Nickelodeons. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces Nickelodeons? Alors, les Nickelodeons sont, comme leur nom l'indique, des endroits où on peut venir voir du cinéma pour un nickel. c'est-à-dire, je crois, pour 5 cents. Bon, c'est très faible. Alors, le cinéma à l'époque, qu'est-ce que c'est? C'est des séances de cinéma permanent, qui commencent le matin et qui se terminent le soir, où on projette un ensemble de courts-métrages qui sont très différents les uns des autres, puisqu'on a du drame, de la comédie, du film d'éducation, du film prosélyte religieux, etc., etc. Documentaire et fiction se mêlent d'une certaine manière? Oui, oui, oui. Mais de la fiction, c'est plutôt des scénettes de théâtre. C'est-à-dire, encore une fois, c'est du spectacle muet, c'est de la pantomime. C'est Chaplin, qui vient strictement de Clément. Et donc, le public entre et il sort quand il veut. C'est du cinéma permanent. Si le film me plaît pas ou le troisième court-métrage me plaît pas, bah je sors et puis... Donc, par exemple, au moment où on commencera à produire de façon à peu près systématique des longs-métrages sur à peu près 1h30, 5 ou 7 bobines, il faudra éduquer le public pour lui apprendre à venir à l'heure. Parce qu'avant, les gens arrivent en fonction de leur course, de leur trajet, etc. Ils entrent et ils sortent quand ils veulent. Parce que, bon, si vous avez raté le début du court-métrage, c'est pas très grave. Le second arrive tout de suite après. Si vous ratez le début du long-métrage, vous avez du mal à comprendre l'intrigue qui suit. Donc, par exemple, je crois que c'est à Detroit, on a inventé une double salle de cinéma. Pour les retardataires, absolument. Dans une salle, on projette des courts-métrages pour faire patienter ceux qui ont raté le début du grand film. Et après, on les fait passer dans l'autre salle à l'heure. Mais c'est de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens à venir à l'heure et non pas passer quand ils en ont envie. Alors d'une part, les éduquer à venir à l'heure et puis leur apprendre à rester un peu plus longtemps sur leurs fesses. Aussi. Alors ça, c'est un des grands débats, parce que les gens qui résistent à la production de long-métrage disent, mais les gens vont s'ennuyer, ils resteront pas jusqu'au bout, etc. Alors qu'en fait, on comprend dès 1913, dès 1914, que non, les gens sont absolument ravis de rester un peu plus d'une heure à l'époque, une heure dix, pour voir une grande fiction avec des grands paysages, des grands acteurs, etc. Et c'est notamment un certain David Griffiths qui va marquer très profondément de son empreinte avec une œuvre magistrale dont il faut dire, en présent Marc Vernet, quelques mots. Vous voulez parler de Birth of a Nation? Exactement, la naissance d'une nation. La naissance d'une nation, mais quand... Qui n'est pas le titre original. Qui n'est pas le titre original, puisque c'est The Clansman, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre tirée elle-même d'un roman d'un monsieur Dixon. Mais quand Griffiths fait Birth of a Nation, il a déjà beaucoup roulé. Parce qu'il a beaucoup travaillé pour la biographe, où il a fait du court-métrage. Il en faisait un tous les deux jours. D'accord? Pendant toute l'année. Vous imaginez la cadence de travail. Les youtubeurs peuvent aller se rhabiller. Mais c'est surtout, bon, ça on le découvre grâce à un festival comme Port des Nonnes, qui a programmé tous les films de la biographe année après année. Il apprend sur le tas. C'est-à-dire que il trouve des solutions au fur et à mesure que il fait ses courts-métrages à l'appel, pardonnez-moi l'expression, pendant des années et des années, où il forme ses acteurs, où il se forme lui-même, où il invente les entrées et sorties de champ, les raccords, les schémas narratifs qui vont bien, etc. Et Birth of a Nation est une offre d'opportunité absolue, puisque on sort au tout début 1915, c'est-à-dire pour le cinquantenaire de la fin de la guerre civile. Birth of a Nation est un ouvrage nationaliste. On dit toujours c'est un film raciste. Oui, c'est un film raciste, mais comme tous les films de l'époque et comme tous les films américains jusqu'en 1960. C'est un regard qui vient du Sud. C'est un regard orienté Sud pour la réconciliation nationale après la défaite du Sud au moment de la guerre civile. Mais la guerre civile est un énorme trauma pour les États-Unis, parce qu'il y a énormément de morts, énormément de civils qui meurent. Et donc, en 1915, on fête le cinquantenaire. Et on le fête le cinquantenaire avec d'autant plus d'emphase, en quelque sorte, qu'un an auparavant, l'Europe est entrée en guerre, risquant d'entraîner les États-Unis. Donc, Griffiths, en grand opportuniste et en grand malin de l'époque, a parfaitement compris l'enjeu. Et lui, il veut se positionner encore plus loin que les autres, c'est-à-dire non pas faire un film de 5 ou 7 bobines. Au départ, on est à 1 ou 2 bobines, d'accord? C'est-à-dire on est à 10 minutes. Lui, il porte ça encore plus loin, puisqu'il fait 12 bobines d'un coup, pour être projeté dans des grandes salles, avec un orchestre, une bande originale. Enfin bon, c'est vraiment une grande... C'est un film absolument magnifique, parce que narrativement... esthétiquement, c'est une œuvre absolument superbe, encore une fois, avec tout ce qu'il y a d'idéologique là-dedans. Mais c'est un coup de la part de Griffiths pour se mettre en position d'être le grand réalisateur américain, le réalisateur officiel. Ce qui est vrai à l'époque, Birth of a Nation est un succès monumental. Strictement aux États-Unis ou par-delà des États-Unis? Non, par-delà, parce qu'après, il sera exploité pendant des années et des années. Et donc, c'est un coup de poker très réussi. Hein. Le film a été cofinancé par Griffiths et par Harry E. Henken, qui est un des grands financiers de l'époque dans le domaine du cinéma, mais contre l'avis de tout le monde, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont pris un risque assez grand, mais le pari est gagné, puisque ce film rapporte des sommes colossales qui permettront ensuite à Griffiths de produire Intolérance quelques années après. Ce sont des films qui sont exploités sur le mode du road showing, c'est-à-dire que on ne fait pas une programmation dans une salle normale pendant un mois. On fait quelques projections exceptionnelles dans une salle spécialement louée. De l'événementiel. De l'événementiel, de façon à attirer la bourgeoisie, les journalistes, faire un peu de buzz. C'est seulement dans un deuxième temps que le film est exploité en salle de cinéma, entre guillemets, normale. Mais il est conçu pour des projections exceptionnelles à travers les États-Unis. Souvent d'ailleurs accompagné de Griffiths lui-même, qui vient présenter son film avec une actrice ou quelqu'un de son équipe. Et il est probable que Griffiths a pensé que le cinéma allait être ça. Et il l'a pensé à cause des Italiens, parce que les Italiens avaient commencé un peu avant, 1913-1914, des titres comme Covadis, des monuments cinématographiques avec des grands décors, beaucoup de figurants, des péplums de l'époque. Et donc, c'est de la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles Griffiths fait Birth of a Nation, c'est pour contrer une invasion italienne de ce type de film. Donc c'est une nationaliste au carré, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'agit d'américaniser le cinéma et de récupérer, à la faveur de la guerre de 14-18 qui va occuper les Européens pendant un certain temps, la primauté des États-Unis en matière de production, de distribution et d'exploitation cinématographique. Sachant que à partir de 17, il y a une autre concurrence qui, elle, vient de l'Est et où l'avant-garde soviétique montre des choses tout à fait hors du commun. Mais oui, même du temps russe. Il y a des choses qu'on a oubliées malheureusement, mais qui sont absolument superbes. Quelqu'un comme Bauer est un très très grand cinéaste. Moi, j'ai pu voir quelques films. Très très étonnant en termes de cinéma. Donc il y a aussi, mais c'est vrai que la révolution de 1917 produit tout à fait autre chose contre le cinéma américain aussi très très clairement. Hein. Le cinéma soviétique est anti-américain et prend le contre-pied du cinéma. Mais quelqu'un comme Eisenstein va payer son tribut à Griffiths, qu'il considère comme un maître, sur lequel il écrit. Il y a un célèbre article sur Griffiths, enfin Dickens, Griffiths et le cinéma, très intelligent et très malin de la part d'Eisenstein. Mais c'est vrai que Griffiths s'est formé sur le tas pendant des années à la biographe, apparaît comme le plus avancé, le plus expert, le plus compétent et le plus génial ou le plus talentueux dans le cinéma. D'où cette situation très très particulière dans ces années que j'étudie, là, à peu près entre 1913 et 1918, où à la fois on a un énorme appel d'air de la part du public qui demande de plus en plus de films, donc il faut augmenter la production, sauf que les compétences ne sont pas là. Le nombre de réalisateurs compétents est extrêmement maigre. Et pour cause. Ça débute. Donc l'explosion de la demande pousse là encore un peu plus haut des gens comme Griffiths ou comme Sennett pour la comédie ou pour Ince, qui est à peu près l'équivalent de Griffiths. Thomas Ince, il a deux frères qui font aussi du cinéma, mais Thomas Ince, qui, lorsqu'ils prennent leur fonction à Hollywood, sont simplement des superviseurs, c'est-à-dire des grands frères qui regardent travailler les petits jeunes qui débutent et qui contrôlent la qualité de ce qu'ils font. Ils ne sont plus réalisateurs, ils ne sont pas exactement producteurs parce que c'est pas eux nécessairement qui financent, mais ils sont dans une position un peu intermédiaire de superviser le travail des petits jeunes qui débutent. Restons encore, Marc Vernet, à ce tout début du XXe siècle concernant le cinéma. On a parlé des États-Unis, on a parlé également de la Russie, mais il faut aussi mentionner l'Europe. L'Europe tient quelle place dans cette histoire-là ? Alors, l'Europe tient la première place dans cette histoire, puisque jusqu'à peu près en 1914, les plus grands succès, je dis bien les plus grands succès en salle des films aux États-Unis, sont des succès européens. Et que, par exemple, le nombre de producteurs américains sont en fait au départ des importateurs de films européens. Zucor commence par cofinancer Sarah Bernhardt pour pouvoir la distribuer aux États-Unis. C'est-à-dire que avant 1914 ou même avant 1915, les États-Unis, c'est peut-être un peu caricatural ce que je veux dire, est un pays colonisé par le cinéma européen. Les Italiens, les Allemands, les Nordiques également. Après, Hollywood captera ses talents pour les rapatrier sur les États-Unis et pas avoir de concurrence à l'étranger. Donc, le mouvement qui se dessine à partir de 1913-1915, c'est là aussi très clairement un mouvement de réappropriation du cinéma par les Américains. C'est du cinéma par les, pour les Américains. C'est pour ça que je dis que Birth of a Nation est un film nationaliste. C'est que c'est un film qui dit aux Italiens, non, nous contrôlons notre marché intérieur. Vous n'allez pas nous envahir par des Quo Vadis. On va pas continuer à importer des films européens. D'abord parce que vous n'allez plus pouvoir en faire, vous êtes en guerre, d'accord? Donc nous, on va prendre votre place et on va vous distribuer internationalement. La Triangle signe des contrats en Tanzanie. Je sais pas si vous voyez l'extension. Et moi, j'ai retrouvé un film en Norvège. Dire que le cinéma est vraiment quelque chose d'international. Les Américains ont des espions à Londres, ou à Paris, ou à Berlin, pour voir ce qui se fait, ce qui marche, et prévenir les copains aux États-Unis, en disant, attendez, il y a un truc qui arrive, là, qui est un peu nouveau, il va falloir que vous regardiez ça. C'est très fréquent d'avoir un correspondant à Londres, ou à Paris, ou à Berlin, qui dit un peu ce qui se passe, et puis qui permet aussi d'importer et d'exporter à partir de là. Mais la place européenne est une place absolument première avant 1914, ça c'est clair. Et Gaumont, et Méliès, et Pathé vont s'installer aux États-Unis. Demain, Marc Vernet pour la suite de cet entretien. Il sera question enfin de cette fameuse Triangle, compagnie cinématographique dont la brève existence mérite cependant qu'on s'y intéresse. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.